Bonjour à tous, aujourd'hui on débrief l'Indonesia Masters Super 500 et suite de cette tournée asiatique. On a beaucoup de choses à vous dire, on va se concentrer notamment sur les victoires en simple de joueurs thaïlandais et sur la dernière, c'était l'événement de cette semaine, de deux légendes du double homme. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle Badminton at its very very best. My goodness me. What a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that! Et je suis avec Benoît. Salut Benoît, comment vas-tu? Salut Ewan, bonjour à tous. Bah écoute, plutôt en forme et toi? Ouais, très en forme aussi. On a encore eu une belle semaine de bad. On va parler de la Thaïlande, Benoît, puisque joueurs et joueuses ont brillé en simple. Et du coup, ça me fait une transition parfaite, puisque c'est un pays que tu viens de visiter. Alors, j'allais dire en long, en large et en travers. Alors, peut-être pas, parce que c'est quand même un grand pays. Mais pour les auditeurs, auditrices qui nous auraient récemment rejoints et qui ne savent pas, tu visites l'Asie depuis quelques mois maintenant, donc on voulait faire un petit point. Qu'est-ce que tu peux un peu nous raconter sur la Thaïlande? Comment t'as vécu ça? Parce que si je ne me trompe pas, tu es quand même resté quelques semaines déjà. Ouais, 2 mois en tout. Deux mois. En vrai, c'est dur. Ouais, 2 mois. C'est dur de te répondre là. Je pense que si j'avais un truc, c'est que je pense que si vous aimez la culture de l'Asie, la bouffe et tout, je pense que c'est un des meilleurs pays à faire, même en vacances, au-delà de pouvoir voyager autant, mais ouais, culturellement et pour la bouffe, franchement, je pense que c'est les deux arguments numéro un pour dire que c'est sans doute un des meilleurs pays d'Asie du Sud-Est. Après, chacun se fera son propre avis et c'est tellement grand que même en venant 2 mois, tu peux pas tout visiter, mais c'est vraiment un très beau pays et même avec des sites historiques très très intéressants. Ça marche. En tout cas, vu comment t'en parles et comment tu m'en parlais avant, c'est vrai que ça donne envie. Tiens, on va commencer donc par le simple homme, puisque c'est là que la Thaïlande a notamment brillé avec la victoire en simple du coup 2, Ken Lavoud, Vititsarn, tête de série 4, il bat en finale Jonathan Christie, tête de série 3, dans un gros gros match, 18-21, 21-17, 21-18, je rappelle qu'on est en Indonésie, dans la salle historique de l'Istora Senayan, et que donc il a un peu douché le public en battant Jonathan Christie, alors qu'en plus Benoît, tout avait bien commencé pour Christie, même avec Vititsarn qui met 18 points dans ce premier set, j'avais du mal à voir comment il pouvait gagner le match, mais comme c'est très souvent le cas dans le bad, la vérité d'un set n'est pas la vérité d'un autre, et on l'a vu, parce qu'à partir du deuxième, on a eu un autre match où, malgré, encore une fois, le score a été serré dans le deuxième et le troisième, mais Christie a couru après le score un peu tout le temps, et on n'avait pas vu ce Vititsarn là depuis bien longtemps. Ouais, c'est clair. Alors c'est un peu dur ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que les deux étaient un peu rincés sur cette finale. Je les ai pas trouvés à genre 120% de ce qu'ils étaient capables de produire, ni l'un ni l'autre, et pourtant on a quand même une très très bonne finale, parce que les deux étaient, je trouve, très proches en termes de niveau. Ce qu'a produit Vititsarn dans une ambiance quand même, je vais pas dire hostile, mais disons plutôt du côté de Jonathan Christie, et ce qu'il a su produire cette semaine, même plus globalement, on l'avait pas vu à ce niveau-là depuis un moment. En plus de ça, je crois qu'il était sur 4 défaites consécutives face à Jonathan Christie, et je sais pas toi, mais il y a eu ce premier set, certes, mais même avant le match, j'étais là, ok, sur les 4 dernières confrontations, il a pris qu'un set, ça va être compliqué, surtout que Christie, je sais qu'on a le débat régulièrement, et je suis curieux de savoir si tu changes un peu d'avis, mais moi je trouve quand même que Christie, depuis 2 ans, il a trouvé une constance assez impressionnante, et que, désolé à tous ceux qui adorent Ginting, mais c'est le meilleur joueur indonésien très clairement en simple homme. Oui, et c'est vrai que Benoît, Jonathan Christie, il y a toujours quelques défaites qui viennent un peu noircir son bilan, quelques défaites au premier tour, deuxième tour, tu vois, mais je suis d'accord avec toi, globalement, on est très loin du Christie de ses jeunes années, qui faisait 2 finales par an où il était injouable et où le reste, il était décevant. Maintenant, il a clairement trouvé une constance, il est, ouais, en ce moment, il a vraiment un niveau top 5 mondiales faciles, même 3, top 3, je pense. Bah, il est 3, ouais. Ouais, tu vois, il est 3, mais c'est loin d'être, ouais. C'est loin d'être volé. Cette semaine, il a un peu galéré, mais tu vois, quand il galère contre Li Chunyi, contre Nishimoto, contre Wang Chuei, il finit par s'en sortir. Là, il s'en sort pas, mais il a fait un bon match, et j'ai l'impression, effectivement, que... le match était sympa parce que, comme tu l'as dit, les deux étaient proches, mais c'est pas en termes d'intensité, c'est pas le plus beau match qu'on ait jamais vu. Je trouve que Vitusarn a vraiment su se régler après un premier set où il a fait quand même pas mal de fautes et Christy a manqué de jus pour faire mieux dans les deux sets d'après. Ben non, moi, autant le niveau de Christy, on pouvait s'y attendre, en plus à domicile, avec un tableau relativement dégagé, il a quand même joué, voilà, on loue sa semaine, mais il n'a pas joué tête de série avant la finale, il faut le dire aussi, le tableau s'est ouvert devant lui, notamment avec la défaite au premier tour d'Antonsen. Ben non, moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Vitusarn, et je vais peut-être te lancer surtout sur... sur sa demi face à Shiyushi, où qu'il gagne 21-13, 21-17, j'ai vu dans le Discord quelqu'un qui disait « Est-ce que Shiyushi a vraiment envie de la gagner ?» Moi, c'est pas comme ça que je l'ai lu, ce match. C'est qu'on avait vraiment le Vitusarn. J'ai un peu l'impression d'avoir revu le match des Jeux Olympiques avec Shiyushi qui, c'est pas un manque de volonté, c'est un manque de solution, en fait, face à un Vitusarn qui rate absolument rien et qui est sur tous les volants. Moi, je suis plutôt de ton avis. Alors, peut-être que Shiyushi aussi était... un peu fatigué de ces deux dernières semaines, peut-être, mais aussi Vitusarn, moi je reste convaincu, et d'autres étaient assez d'accord avec ça, qu'en Inde il n'était pas forcément à 100% de ses moyens. On l'a vu. J'ai cru comprendre qu'il y avait... ouais, voilà. Et du coup, je pense que là il va beaucoup mieux, on l'avait déjà dit quand même que dans le jeu ça allait beaucoup mieux. Et moi, je franchement, j'ai pas vu un Shiyushi qui a laissé filer le match, hein. J'ai vu un Vitusarn vraiment... dominateur, je sais pas, parce que c'est rarement un mot qui nous vient avec Vitusarn, mais en contrôle, et vraiment, il... Ouais, pour moi, c'est le match où j'ai été le plus impressionné par le niveau de Vitusarn, sa gestion, et en fait, il a complètement cadenassé Shiyushi, qui... Enfin, pour moi, c'est plus ça, et honnêtement, je trouve que ce serait trop facile de dire que Shiyushi l'a laissé partir. Benoît, je pense qu'il faut pas se laisser avoir par le comportement de Shiyushi. Il a cet aspect un peu nonchalant qui fait que parfois on a l'impression qu'il joue pas, alors qu'en fait, si, c'est juste que je pense que c'est juste que c'est son comportement qui est comme ça et que là, il a pas laissé filer le match, juste il a pas su quoi faire. Il a beaucoup enchaîné les matchs, donc il était peut-être un peu crevé aussi, je suis d'accord. Mais oui, il faut pas se laisser tromper par ça. C'est pas Shiyushi qui l'a perdu, c'est Vitusarn qui allait le gagner. Et Benoît, même au-delà de, sans se fier forcément à ce qu'on a vu en Inde la semaine dernière, Vitusarn, est-ce que j'abuse si je dis que ces derniers temps, moi ça faisait, j'insiste, hein, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Il a gagné un seul titre l'année dernière, c'était le 300. En Corée. Pour retrouver une victoire en 500 ou plus, il faut aller au Thailand Open 2023. Donc Benoît, c'est peut-être un signe que il a eu des problèmes physiques aussi, mais que là il retrouve un niveau très intéressant et qu'il va falloir compter sur lui. Ou alors est-ce que Benoît, à l'inverse, en fait il y a eu un gros débat sur Vitusarn qu'on a commencé avant d'allumer les micros. Donc c'est pour ça, moi ce que je te demande, c'est est-ce que Vitusarn il est condamné à être un bon top 10, voire fond de top 5, ou alors est-ce que, notamment avec le niveau qu'il a eu cette semaine, il nous montre qu'on a bien un futur numéro 1 en face de nous. Tu l'as dit, on a eu le débat un peu avant de lancer les micros, et en fait, moi je partageais pas forcément... c'est moi qui ai envoyé la vidéo d'une chaîne qui fait des très bonnes vidéos, qui disait pourquoi Vitusarn sera le prochain numéro 1 mondial, et j'ai rien dit d'autre, j'ai juste envoyé la vidéo, je pensais pas que ça lancerait un tel débat, mais c'est hyper intéressant de voir les différents avis qui peut y avoir autour de Vitusarn. Et moi très honnêtement, j'avais déjà le même avant l'Indonesia Masters, ce serait trop facile de dire là j'ai changé d'avis, mais je pense que Vitusarn n'a que 23 ans, donc l'âge de Christo. Et en fait, quand on juge aussi les temps de passage par rapport à d'autres, il a déjà deux médailles mondiales, dont un titre et une médaille de vice-champion olympique. Il y en a qui ont couru après toute leur carrière en étant des joueurs exceptionnels. Je trouve que ce serait vraiment irrespectueux de dire que Vitusarn est un joueur moyen de top 10 mondial. Vititsarn, il l'a prouvé, il a le potentiel d'un mec qui est top 3, voire numéro 1 mondial. Je pense très honnêtement, et je connais un peu ton avis, mais je suis quand même curieux que tu nous le redises et que peut-être t'ailles au bout, parce qu'on a essayé de couper notre débat, mais ouais, pour moi, Vititsarn, très honnêtement, je pense qu'il a eu des downs après chacune de ses grosses performances en grand championnat, parce qu'il était très jeune, qu'en Thaïlande, c'était jamais arrivé ou quasiment pas dans son tableau, que du coup, il a eu beaucoup de pression à gérer. Et aussi, je pense que Vititsarn, il y a un effet, on en parlait, toi et moi, Momota. C'est que c'est pas des joueurs impressionnants. Et en fait, ils savent tellement tout bien faire, sans avoir peut-être un coup exceptionnel, que du coup, on n'a pas cette sensation que peut-être ils peuvent régner sur le circuit. Je sais pas s'il fera des saisons comme Momota où il va gagner 10 titres. Mais très honnêtement, je demande à voir, et n'oublions pas qu'il a que 23 ans. À 23 ans, Momota, il était très loin de ce qu'avait accompli Vititsarn. Donc il était au casino. c'est gratos, mais c'est pas totalement faux. Non, mais on pourrait débattre longtemps de Vititsarn, je pense, mais je trouve que c'est très réducteur. J'ai vu des comparaisons, moi, qui m'ont franchement fait un peu peur. Moi, Benoît, je commencerai par dire ce que tu as dit à la fin, c'est rappeler l'âge qu'il a, Vititsarn, 23 ans. Il a qu'un an de plus que Christo Popov, un an de moins que Arnaud Merclé, pour vous situer à peu près où il en est. Et si on donne du temps à nos joueurs français qui ont à peu près le même âge, pourquoi on lui en donnerait pas à lui? Lui, il a été triple champion du monde junior, tu l'as dit, et du coup, ça a mis un énorme projecteur sur lui quand il était très très très jeune. Il a été champion du monde. Peut-être même un peu trop tôt par rapport à ce qui ouais. Voilà, il a été champion du monde à 21 ans. Donc, il faut pas oublier que c'est pas un joueur complètement développé encore et que il faut pas alors l'enterrer, ce serait dur mais c'est vrai que il faut sa carrière elle est enfin une carrière c'est un peu chaotique en fait et il peut avoir des moments de moins bien. Moi je pense qu'il peut être numéro 1 mondial très très enfin pas facilement mais il a ce qu'il faut je pense. Est-ce que il a ce qu'il faut pour faire ce qu'on fait Li Chongwei, Momota ou Axel Sen? C'est-à-dire remporter 90% des gros titres sur un an? Je suis pas sûr. Mais c'est un peu comme au foot, tu vois, quand il y a Ronaldo et Messi qui sont passés, maintenant on attend que tout le monde mette 60 buts par an. Bah non, c'est tout le monde ne peut pas faire ça et c'est eux qui étaient exceptionnels. Bah là c'est un peu pareil, tu vois, genre peut-être ouais, qu'il écrasera pas tout mais il est clairement un des meilleurs de sa génération et je crois totalement au fait qu'il deviendra numéro 1 mondial et donc le qualifier, c'est vrai que sur le Discord, j'ai vu le qualifier de joueur moyen bon. Ou niveau moyen, son niveau moyen très bon. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs moyens nuls là du coup. C'est clair. Mais du coup, je suis content de le revoir à ce niveau-là. Moi, c'est pas le joueur que je préfère regarder. Et ça, après, c'est mon avis. Mais c'est cool de le revoir à un niveau intéressant. Pas de français dans ce tableau de simple homme. Et Benoît, quelques surprises dès le début. La faute peut-être au fait que c'est déjà le troisième tournoi d'une tournée assez éreintante. Mais on a vu Xu Tianchen se faire sortir au premier tour contre son compatriote par son compatriote Shi Yujian. On a vu, je l'ai mentionné, Anton Sen qui perd dès le premier tour contre Nge Kalong, pareil en 3-7. Li Shifeng qui perd en quart contre Wang Tsui en 2-7. C'était pas forcément attendu. Naraoka qui perd au deuxième tour contre le Singapourien Jason Tae qui va chercher sans doute la plus belle victoire de sa carrière. C'était pas attendu non plus. Qu'est-ce que tu peux me dire de tout ça, Benoît? Lo Qingyu qui se fait sortir au premier tour par Li Chunyi, pas attendu non plus. Pas forcément attendu, même si Li Chunyi est toujours très compliqué à jouer. Benoît, la plus grosse surprise, on va pas se mentir, c'est celle d'Anton Sen contre Nge Kalong. Ouais, très clairement, je m'attendais à ce que... Là, tu vois, c'est le genre de tournoi où j'attends qu'il aille très loin parce que, fin de tournée, lui vient, donc ça veut dire qu'il est quand même très concerné. Ouais, très grosse surprise après Nge Kalong, c'est toujours pareil, j'ai toujours le même avis sur lui, mais il est capable de ça. En fait, c'est un joueur qui... Son niveau est quand même très très régulier. Peut-être c'est pas un top 5 lui pour le coup, mais en tout cas, tu sais qu'il jouera quasiment toujours au même niveau et le jour où toi t'es moins bien, lui, il va aller la chercher. Ouais, pour moi c'était la plus grosse surprise de ce tableau parce que je voyais Antonsen aller très loin. Mais t'as raison de le souligner, il y a pas eu que lui, Li Shifeng qui se fait taper par Wang Tsui, c'est quand même une grosse surprise. T'as parlé de Lo Qingyu, même s'il est pas en grande forme, il prend 9 et 12 dans le deuxième et le troisième face à la Kshasen, c'est quand même pas dingue. Et ouais, Naraoka aussi, encore une sortie de piste, alors que là, il y avait quand même un tableau, j'ai envie de te dire, relativement ouvert, au minima jusqu'au quart. Ouais, quelques surprises, pas un grand niveau de jeu pour la plupart des têtes de série, je dis bien la plupart, mais ouais, on sent que c'est un tournoi de fin de tournée un peu. Ouais. Mais moi, là où Antonsen, ça me surprend, c'est qu'il a pas joué en Inde. Et du coup, je me suis dit, il va arriver tout frais. Il a joué en Malaisie, mais pas la semaine dernière en Inde. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, ça a joué contre lui. Il a peut-être manqué un peu de rythme là où les autres ont enchaîné. Ouais. Je sais pas. Peut-être qu'il avait une faiblesse ou qu'il était malade aussi. C'est pour ça qu'il a pas joué en Inde. Je sais pas. Mais pourtant, c'est assez surprenant quand on voit sa forme récente. Et Benoît, peut-être un tout petit mot, on va pas faire long, mais mine de rien, Rasmus Gamke, là maintenant il est plus blessé, mais il gagne vraiment pas beaucoup de matchs et ça tourne vraiment à la déception sa carrière à lui. Ouais, bon, ça tourne à la déception, de toute façon je pense qu'on l'avait... Il y a un peu un phénomène chichoufeille, alors je m'explique, c'est la mesure où je trouve que, peut-être c'est pas en termes de classement, mais je pense que c'était un joueur... pas exceptionnel, mais très bon, qui aurait dû être top 15 mondial toute sa carrière à minima. Peut-être qu'il aurait progressé pour plus, mais en fait, il est tellement blessé et du coup, quand tu reviens sur le circuit, tu dois tout de suite gagner des gros matchs, tout de suite reprouver. Ouais, c'est... Gamke, je sais pas le joueur qui me fait le plus kiffer, ça c'est sûr, mais je suis convaincu que c'est un top joueur et malheureusement, son corps le... Même quand il le laisse tranquille 3 mois, ça veut dire que sur 3 mois, tu dois gagner des gros matchs pour être tête de série, c'est trop compliqué. Et là, trois tournois dans cette tournée asiatique, 3 défaites au premier tour, jamais contre des têtes de série. Ça. Il perd en 3-7 contre Li Chunyi en Malaisie, puis en 3-7 contre Lu Guangzhu en Inde, et là, du coup, en 3-7 contre Jason Tae, qui est un joueur quand même qui est en dessous de son niveau à lui. C'est, ouais, grosse déception côté Rasmus Gamke. Même sa fin de 2024, hein, tu pourrais aller plus loin. Enfin, je crois qu'il, j'avais regardé, mais je crois que au mieux il fait un quart de finale, mais c'est quand même très très compliqué. On file vers le deuxième tableau du jour, le simple dame. I'm the bad guy. Take that. Thaïlande toujours, mais une joueuse d'une autre génération que Vichitsarn, également triple championne du monde junior, il me semble, Ratchanok Intanon en son temps, et également championne du monde très jeune. C'est drôle de voir d'ailleurs les similitudes de parcours entre les deux. Et là, Ratchanok Intanon qui va chercher cette Indonesia Masters, une victoire 21-18-21-17 contre la coréenne Sim Yoo-jin. Benoît, un match très très bizarre, hein, que Ratchanok Intanon a commencé en menant 11-1, je crois, et finalement elle a failli perdre le premier set, elle se fait rejoindre, elle est même menée, elle le gagne sur le fil. Le deuxième a été un peu plus linéaire, on va dire, à toi, à moi, pendant tout le set. Elle a jamais réussi à prendre beaucoup d'avance, mais là où je pensais qu'elle allait s'effondrer physiquement, même à la fin du premier, hein. Dans le premier, si elle prend plus beaucoup d'avance aussi dans le deuxième, elle se fait aussi rejoindre. C'est un match un peu fou, mais finalement une victoire qui est méritée pour Ratchanok Intanon quand on voit son niveau récent. Je trouvais que ses résultats reflétaient pas le niveau qu'elle avait. Là, même si c'est un niveau d'un tournoi d'un niveau moindre, je suis content pour elle. Et ouais, elle va largement se satisfaire de cette victoire qui lui a visiblement fait beaucoup de bien. Ouais, bah, je crois qu'il n'y avait pas de tournoi depuis maintenant, ça doit être le Spain l'année dernière, donc quasiment un an. Elle était sortie du top 10 mondial et je suis d'accord avec toi. Elle a quand même eu des sales tirages où elle prenait du Han Se-young sur des premiers tours ou même des Tomoka Miyazaki contre qui elle a joué plus tôt dans le tournoi. Et c'était toujours très compliqué alors que son niveau, il était, je trouve, bien meilleur que les 12 filles, que, en tout cas, une partie des 12 filles qui sont devant elle au classement. Donc ouais, je pense que ça va lui faire du bien, ça va lui faire du bien aussi pour les points. Et ouais, son niveau de jeu, je trouve, il est quand même revenu depuis un moment. C'est peut-être pas la Ratchanok Intanon qui a été championne du monde, mais oui, elle revient à un très très bon niveau. Et je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, je serais pas surpris de l'avoir se réinstaller dans le top 8 mondial avec ce niveau-là. Ouais, Benoît, franchement, moi, ça faisait un moment que je l'avais... un moment que je l'avais pas vu comme ça, pas vraiment, parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose, mais elle nous a vraiment montré que quand elle est au niveau qui est le sien, c'est une joueuse vraiment, vraiment impressionnante, Benoît. Et ouais, ça fait plaisir de l'avoir un peu concrétisé, tu l'as dit. Je pense que le niveau top 8, je pense qu'elle l'a. Ça va être compliqué de monter beaucoup plus haut, et surtout, par exemple, elle est pas du tout au niveau d'une Han Se-young où à chaque fois qu'elles se sont croisées, on a vu que même si elle arrivait parfois à la tenir sur un set, l'écart de niveau, il était abyssal. Mais ouais, franchement, j'étais content pour elle. Et Benoît aussi, au niveau du... Bah voilà, enfin, c'est pas exactement le même style que Tai Tsui-ying, mais Benoît Ratchanokintanon, quand elle est à son niveau, c'est quand même un peu une joueuse frisson. Elle a quand même une technique largement au-dessus de la moyenne. Les changements de direction, enfin la vitesse de poignet, ce qu'elle peut faire dans des positions un peu improbables, c'est quand même une joueuse assez fantastique à voir jouer. Bah, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est que c'est le genre de joueuse qu'on a envie de... Enfin, elle te fait allumer la télé, donc très clairement, ouais, on est content de toujours l'avoir à ce niveau-là, même si physiquement, on sait que ça, c'est peut-être plus compliqué, et techniquement, c'est toujours là, donc toujours un pur plaisir. Et Benoît, la surprise de ce tournoi, c'est peut-être la coréenne Sim Yoo-jin, hein, qui va jusqu'en finale en sortant Yeo Jamin au premier tour, tête de série 5. Derrière, elle se balade contre Kuhara. En demi, elle se balade contre Wen Shisu. Évidemment, elle bénéficie du forfait de Toon Young en quart, qui était la joueuse à battre dans ce bas de tableau. Mais voilà, l'avoir peut-être à ce niveau-là, alors qu'elle est 27e mondial, 26e avant le tournoi, en finale elle est loin d'être ridicule. Qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que t'en penses de cette joueuse? C'est l'héroïne de l'Uber Cup 2022, je crois, pour la Corée. Oui, en fait, c'est la simple dame 3. Parce que... Ouais, c'est ça. Je me souviens qu'on s'était fait cette remarque à l'Uber Cup, on se l'est refaite une ou deux fois depuis. En fait, c'est vraiment bizarre parce qu'elle n'a pas joué encore cette année, c'est son premier tournoi. Comprend pas trop ce que fait la Corée. Alors oui, ils ont une joueuse, mais ils ont une joueuse peut-être exceptionnelle, ça j'ai aucun doute, mais il y en a pas vraiment d'autres. Pourquoi lui laisser plus sa chance? Oui, peut-être qu'elle a pas un potentiel top 5 mondial, ça j'ai pas de doute, mais ça reste quand même à mon avis une joueuse qui a un niveau top 15, et quand on voit ce qu'elle a été capable de produire cette semaine, franchement, ouais, elle a largement sa place sur ce genre de tournoi. Après, c'est peut-être pas la joueuse frisson dont tu parlais juste avant, mais c'est une joueuse quand même relativement solide. Ouais, c'est clair. Pour rappel, pour ceux qui ne se souviennent pas, ouais, elle avait battu Wang Zi au troisième match de la finale de l'Uber Cup 2022, ce qui était complètement inattendu parce qu'elle sortait de nulle part à ce moment-là, et ça avait été l'exploit en Corée, et ça l'avait mise un peu sous les projecteurs, alors que tu l'as dit, Benoît, on la voit rarement sur le circuit. Benoît, un des matchs attendus de cette semaine, alors du coup Toon Young qui a été malade, donc qui a pas pu jouer après son deuxième tour, ça a forcément dégagé le tableau. On attendait pas d'Han Se-young, donc forcément ça ouvrait un peu. Ce Intanon Miyazaki, t'en as pensé quoi en quart? C'était donc victoire d'Intanon en 3-7, 21-15 au troisième. J'ai bien aimé la gestion de match d'Intanon, mais bon, j'ai trouvé que Miyazaki payait aussi un peu les deux semaines précédentes. C'était quand même un bon match, j'ai envie pas de dire très bon, mais bon match. Miyazaki, elle paye aussi le fait qu'elle joue énormément depuis un an et demi, un an qu'elle est sur le circuit, un an on va dire. Je pense qu'il serait temps aussi de peut-être regarder un peu plus dans la gestion et voir s'il y a ce genre de tournoi, c'est vraiment utile pour elle. Alors je pense que le nombre de points elle l'a et tout, tu vois, mais je pense qu'il y a peut-être un axe de progression là-dessus. Après, ça dépend pas que d'elle, on est bien d'accord là-dessus, mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai trouvé un peu plus dans le dur physiquement, pas capable d'être constante sur tout un match. Bon, ça, on en a déjà parlé, mais moi, je dirais pas un peu déçu, parce que je pense que c'est pas de son fait, mais très clairement, je pense pas qu'elle pouvait faire mieux que ça. Quelques surprises, la belle semaine de Wen Shisu, la taïwanaise qui bat Go Jingwei, Shou Shuang, finaliste la semaine dernière en Inde, puis Putri Kusumawardhani, tête de série 8, avant de un peu s'effondrer en demi. Voilà, dans les déceptions, PV Sindhu, qui était pas mal ces derniers temps, qui se fait sortir dès le premier tour par la vietnamienne Nguyen. Et sinon, voilà, peu de choses à en dire, pas de française, pas notamment de Mia Blichfeldt. Il y en a pas mal qui ont beaucoup joué ces dernières semaines et qui avaient décidé de sauter ce tournoi en Indonésie. Benoît, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le simple dames. Un peu comme le simple homme, entre les surprises et les déceptions, on va dire que c'était quand même c'est un 500 de fin de tournée, quoi. C'est compliqué. C'est pas forcément le cas pour les tableaux de double, mais là, ça a été le cas pour les tableaux de simple. C'est clair. Et donc, pour terminer, Intanon qui va chercher son deuxième Indonesia Masters après celui qu'elle avait gagné il y a 5 ans, en 2020. Mais voilà, pas en même étape dans sa carrière et elle montre qu'elle en a encore, sous la semelle. On change de tableau et on file vers le double mixte. Aimez-vous le badminton ? Ah non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Le double mixte avec la victoire des Japonais Midori Kawa Saito, ils étaient tête de série 7. Ils ont battu en finale les têtes de série 5, les Chinois Guo Chen, 21-15, 21-17. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de ce match victoire, on va dire archi-logique des Japonais qui cette semaine avaient un niveau, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, mais ils ont perdu aucun set de la semaine en battant pas mal de paires que j'aurais jugé meilleur qu'eux. Ils n'avaient pas la partie tableau la plus compliquée, mais ils ont montré en finale que voilà, ce titre, ils ne l'avaient pas volé. Ouais, ça reste une grosse surprise, parce que la semaine dernière, on les a vus quand même pas un grand niveau et se faire battre par Tomé Delphine, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Non, c'est ça. Ouais, assez fou de les voir jouer à ce niveau-là. Je crois que c'était leur premier titre depuis 2023 au ouais. Canada, et je crois qu'ils font deux finales, là, peut-être une l'année dernière et une fin 2023. Mais leur dernière finale sur le circuit, Benoît, c'était dans ce même Indonesia Masters l'année dernière, donc ça faisait un an. C'est un tournoi qui leur réussit bien. Mais ça reste quand même une surprise de les voir gagner un 500, très clairement. Je trouve, en plus avec le plateau qu'il y avait, et leur niveau surtout, c'est ça qui est une grosse surprise. Maintenant, je vais... Franchement, ça va peut-être paraître dur, mais je les vois pas être capables de le rééditer plus qu'une semaine tous les deux ans. Ah, c'est un peu ça, ouais. Là, ils ont sorti un niveau incroyable. Enfin, il y a qu'à voir cette finale où Natsu Saito a réussi à peu près tout ce qu'elle voulait. Elle marchait sur l'eau. Elle était tellement forte que les Chinois, ils attaquaient sur son partenaire, ce qui est quand même assez... assez rare en mixte, mais c'est clair que ça peut paraître surprenant. On attendait surtout des paires du haut de tableau, en fait. Quand tu c'est un peu dur parce que quand tu vois qu'il y a eu un quart entre Poivaranukro, Paisampran et Chento avec un niveau quand même assez incroyable, c'est plutôt ce qu'on attendait en finale, mais bon, le tableau est comme ça. Benoît, qu'est-ce que du coup tu as pensé du parcours des finalistes ? On a parlé des Japonais. Qu'est-ce que tu penses des Chinois qui ont quand même fait le boulot, notamment contre leur compatriote Cheng Zhang en quart, 22-20 au troisième, puis contre Poivaranukro, Paisampran, 22-20, 21-12. Ça peut paraître surprenant quand tu vois ce que les Thaïlandais avaient donné le jour d'avant. Ça s'explique peut-être un peu, Benoît ? Ouais, ça s'explique un peu dans ce qui était probablement le meilleur match de la semaine. D'ailleurs, je te poserai une question juste après t'avoir répondu, mais ouais, Guo Chen, je trouve, sur un Super 500, ils sont à leur niveau. Maintenant, c'est quand même très très en deçà des deux autres paires chinoises. Quand on dit les deux autres paires chinoises, c'est Feng Wang et Jiang Wei, mais ouais, ils sont à leur... En fait, quand la Chine leur laisse la place, c'est leur niveau de gagner des 500 ou des 300, très clairement. Maintenant, là où on peut être surpris, c'est cette victoire contre Poivaranukro, Paisampran. Mais comme tu l'as dit, je pense que ça s'explique par le quart de finale, notamment très difficile face à Chento. Et d'ailleurs, je voulais, maintenant qu'on a un peu de recul sur cette paire, et je reviendrai pas sur ce que t'as annoncé fin 2024. Non, reviens pas. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que Poivaranukro a l'air libéré par cette nouvelle paire, cette nouvelle partenaire, et que Paisampran a un niveau plus élevé que ce que je pensais. Soit elle a progressé, soit c'est moi qui l'avais mal jugé quand elle jouait avec Jomko. Peut-être que Jomko la sublimait pas. Possible aussi, Je suis d'accord. Je trouve que c'est pas un excellent joueur, Jamco, pour le coup, et ça, je pense ne pas me tromper. Pour moi, tu vois, top 5 mondial, ça va peut-être être un poil léger. Allez, peut-être 5e okay. ou après, tu vois. Mais bon, remarque, tu me diras, en ce moment, il y a de la place, tu vois. Mais ouais, ah, par exemple, je pense pas que ce soit une paire qui puisse s'élever au niveau des paires chinoises, tu vois. Oui, en même temps, qui peut le faire. Mais oui, ok. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, un peu la même chose que toi, même si j'y croyais déjà avant. Perso, pour moi, c'était déjà acté qu'il serait top 10 très vite. Je pense, j'avais des gros doutes sur Paes Empran. J'avais des gros doutes sur la séparation globale, enfin, les deux splits. Mais ça avait du sens de le faire, mais j'avais des gros doutes sur ce que ça allait donner. Maintenant, je trouve que Paes Empran, alors, un, elle a progressé. Deux, le fit marche plutôt bien. Et en fait, je trouve qu'elle est en totale confiance là où elle l'était pas avec Jomko, parce que t'as un partenaire bien meilleur aussi. Mais ouais, le fit marche différemment d'avec Taira Tanachai, mais moi je le trouve très intéressant et je l'ai trouvé vraiment au filet et tout très très dominante face à Toei Wei en quart. Donc ouais, c'est encore tôt effectivement, mais pour moi ils ont leur place dans le top 5 mondial. Ils sont meilleurs que Tom et Delphine, et je pense qu'ils sont peut-être meilleurs que Cento aussi. En tout cas, avec les deux paires chinoises, Cento, Puawarano, Croet, Paes Empran, on a à peu près le top 4 du moment, quoi. À voir si ça va se stabiliser. Watanabe Taguchi dedans, ok. Est-ce que c'était leur dernier match, Benoît? On peut faire la transition, puisqu'ils ont joué au deuxième tour contre Puawarano, Croet, Paes Empran. Ils sont passés par les qualifs, puis ils ont battu Vestergaard-Busch. A priori, de ce qu'on a compris, Benoît, ça va s'arrêter déjà. Je sais pas si t'as vu assez de matchs pour te faire un avis et si tu es d'accord ou pas avec cette séparation assez tôt. Bah, il me semble que je l'ai annoncé, c'est la fin 2024. Ça me fait un peu de peine parce que je pense que ça va aussi être dur à digérer pour Taguchi, parce que je sais pas à quel point derrière le Japon lui fera confiance, très clairement. Mais ouais, pour moi c'est un énorme flop des deux côtés, hein. Elle, peut-être pas au niveau attendu, mais ça, c'est peu une surprise. Elle a quasiment jamais joué en mix. Elle se retrouve avec un des meilleurs joueurs au monde. Et à côté, pas du tout un leader. Ça veut dire que Yuta Watanabe, il faut lui trouver quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui peut être le leader mental d'une paire. Ouais, pour moi, ce sera moins dur pour Watanabe parce qu'il est tellement fort que le Japon le mettra pas de côté, mais un énorme flop quand même. Benoît, est-ce qu'il fallait pas leur laisser un peu plus de temps quand même? Moi, je trouve ça très sévère s'ils sont séparés dès la fin de cette tournée. Tu l'as dit, tu prends une joueuse qui jouait pas beaucoup en mixte. Tu prends un mec qui est très fort, mais qui n'a joué qu'avec une seule partenaire depuis les juniors et qui a un jeu qui est quand même très particulier. On n'allait pas s'attendre à ce qu'ils aillent chercher un 750 sous les deux semaines, quoi. Non, je suis d'accord, mais est-ce que c'était vraiment le bon choix tant le vivier de filles au Japon est incroyable? Est-ce que c'était pas trop tôt de la faire jouer avec Watanabe direct? Quitte à la faire jouer, j'en sais rien moi, avec Midorikawa, avec, tu vois, un step, un mec top 30 mondial. Mais est-ce que c'était pas trop tôt avec Watanabe? Je pense que si, et même en leur laissant du temps, j'ai l'impression qu'il y a une telle progression à avoir qu'il aurait fallu laisser 2-3 ans, et Watanabe, il les a pas. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Benoît, il y avait quand même une paire française dans ce tableau, pas celle dont tu as l'habitude. Il s'agissait de Julien Maillot et Léa Palermo, qui ne sont finalement pas passés par les qualifs comme ils devaient le faire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'ils ont pris Cento, tête de série 1, dès le premier tour. Finalement, ils sont loin d'être ridicules. Ils perdent 21-14, 21-17, mais c'est un peu dur de juger sur ce seul match contre une paire quand même bien plus forte. Oui, j'en parlais justement sur le Discord, je crois. Oui, sur le Discord. Disait oui, ils rivalisent. Ouais, ils rivalisent, mais ils sont quand même très loin, ce genre de match sur un premier tour. Si c'est pas Julien et Léa, on dit ouais, ok, c'est un premier tour largement bien géré par des têtes de série 1, et il y a un énorme écart de niveau entre les deux paires. Ouais, je suis d'accord, c'est que ils ont pas été ridicules, mais à aucun moment tu t'es dit ah, ils peuvent gagner ce match, et je pense que Cento ont quand même bien contrôlé ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le double mixte? On passe un peu vite, mais il y avait pas mal de paires absentes. En bas de tableau, c'est Golai qui n'ont pas vraiment assuré, qui eux aussi ont beaucoup joué ces dernières semaines. Donc c'était plutôt des paires de seconde zone, quoi. Ouais, on a vu du Ferdinand Saya Ramadanti, on a vu des, l'Indonésie qui tente des trucs, Rivaldi Kusumawati, mais après, oui, voilà, c'est à peu près tout, ce qu'il y avait à dire. C'était quand même, pour le coup, il y a eu des bons matchs, mais moins de bons joueurs. Ouais. Ouais, tu fais bien de noter Rivaldi Kusumawati parce que père expérimental, mais qui fait quand même demi en battant les têtes de série 3, au premier tour, donc c'est pas ridicule. Nous, on file avec le quatrième tableau, le double dame. Dieu dit Adam. Double dame, en voilà une finale sympa. Kim Kong, tête de série 5, qui battent les têtes de série 2, Tan Tina, donc les coréennes qui battent les malaisiennes, 21-12, 17-21, 21-18. Benoît, dans ce troisième set, j'avais du mal à croire que, comme quoi je me trompe vraiment souvent, les coréennes avaient l'air cuites, et j'avais vraiment du mal à croire qu'elles pouvaient gagner. Bah, visiblement, je me suis encore trompé. Et au final, c'était un match assez sympa qui, comme souvent, en double dame à haut niveau, c'est joué sur des petits détails en fin de match. Ouais, des petits détails, mais je trouve que des petits détails qui tournent rarement dans le sens de Tan Tina. Je suis à la fois peu surpris parce que elles gagnent en Corée déjà, Kim Kong, elles font finale la semaine dernière en Inde. Très honnêtement, c'est une paire. Bah, je pense que c'est aujourd'hui la paire qui réussit le mieux depuis le split en Corée. C'est efficace, c'est déjà en place, et pourtant on voit encore parfois elles sont perdues sur le court, elles se regardent toutes les deux, mais ça marche déjà bien, je trouve. Et à l'inverse, je suis un peu surpris que Tan Tina soit pas capable de mieux gérer ce genre de fin de match où elles avaient l'air mieux physiquement, mais encore une fois tu sens qu'il manque un peu de lucidité, d'expérience, et parfois c'est trop stéréotypé, quoi. Ça manque de je trouve que parfois dans les attaques, ça manque vraiment de bons choix. C'est, je sais pas, même toi au moins on aurait pu le lire, quoi. Donc ça me pose question, notamment enfin sur le plan stratégique. Je sais pas comment tu le vois, mais ça arrive trop souvent dans des finales. Bah c'est ça, là ça avait l'air d'un match quand même qui se gérait, enfin une fin de match qui se gérait, tu vois, avec des coréennes qui avaient beaucoup donné, notamment Kong qui a passé 2-7 à mettre des parpaings, donc forcément elle avait un peu mal au bras. Mais ouais, je suis très étonné de pas les voir, et assez déçu de pas les voir gagner ce genre de match qu'elles auraient dû beaucoup mieux gérer. Et là elles se sont peut-être un peu endormies dans le rythme qu'elles avaient mis elles-mêmes, donc je suis un peu déçu, surtout qu'elles font une grosse semaine où elles perdent pas de set avant la finale. Elles ont été assez solides, notamment contre Fukushima et Matsumoto en quart de finale, qu'elles gagnent 16 et 15. Voilà, de leur côté, ouais, Kim Kong, Benoît, on n'en a pas parlé beaucoup la semaine dernière. On s'est plus concentré sur les Japonaises qui forcément étaient les vainqueurs, mais tu l'as dit, victoire sur un Super 300 l'année dernière, finale sur un Super 750. Là, elles gagnent un 500. Effectivement, ça paraît pour l'instant plutôt. Elles avaient gagné, j'ai découvert ça tout à l'heure en préparant l'épisode, elles avaient fait une finale ensemble en 2019. Je pense que ça doit être un des seuls tournois qu'elles avaient joué ensemble. Benoît, pour l'instant, ça semble être un choix payant de la part du staff coréen. Ouais, et puis ça monte vite. Elles sont quoi ? Elles étaient, je crois, dans le top 30 déjà, au bord du top 30 avant le tournoi. Là, elles vont sans doute se rapprocher du top 20. Je pense que l'objectif, il est pour l'instant, à l'instant T, plus que rempli. La paire fonctionne. Honnêtement, je suis curieux de voir ce qui va se passer ensuite, parce que il y a aussi l'effet surprise. On en parle souvent avec les paires récemment formées. Mais oui, enfin, il y a déjà des grosses paires face à du top 10 mondial. Ouais, très clairement, Kim Kong, il faut compter sur elle et pas que sur des 500. Elles ont notamment gagné un gros match contre les chinoises Jia Yifan et Zhang Shuxian, que je pensais un peu favorite. Les chinoises, ça c'était en demi-finale. Voilà, ces mêmes chinoises Jia Zhang qui avaient battu leur compatriote Li Luo au deuxième tour, qui était tête de série 1. On a les taïwanaises Sung Yu qui ont perdu au premier tour. Tête de série 8, les têtes de série 3 Kusuma Pratiwi qui perdent en quart également contre Kim Kong, donc voilà, les têtes de série qui sont pas mal perdues assez tôt. Les sœurs Young, les Hongkongaises, ont perdu tête de série 4, elles perdent au premier tour. J'ai parlé déjà de Fukushima Matsumoto, et on a parlé de Tan Tina, mais c'est vrai que Bah ben non, on le dit un peu toutes les semaines, mais c'est une période intéressante en double dame parce qu'il y a beaucoup de changements. Du coup, tous les matchs sont assez incertains entre ce qu'ont fait les japonaises et les coréennes et à moindre mesure les chinoises. Ça a vraiment bousculé un peu le tableau. Benoît, on n'avait pas beaucoup de paires européennes, mais je crois qu'il y en a une dont on a déjà parlé une fois, mais j'aimerais bien t'entendre sur Bourova Kantemir, les jeunes ukrainiennes qui là ont notamment battu les danoises Kusk Schulz au premier tour avant de perdre sans être ridicule face au futur vainqueur Kim Kong. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une paire qui a quand même de l'avenir. On a déjà parlé de Paulina Borova parce qu'elle joue aussi en simple, mais c'est... Jusqu'où elles peuvent monter, tu penses? C'est une bonne question. Elles jouent beaucoup. On les voit beaucoup apparaître, même sur des premiers tours. Elles font peu d'impasses. Ouais, elles étaient 26e avant cette semaine. Ouais, voilà. Pour moi, là, elles sont déjà relativement hautes. Par rapport à ce qu'on voit sur le circuit. Ok. Je pense que là, tout de suite, avec leur niveau actuel, elles peuvent pas monter plus haut. Ok, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je n'arrive pas trop à juger leur plafond. Je voulais te demander ce que tu pensais de Jia Zhang. Et avant de te le demander, je voulais te donner leurs résultats sur les premiers tournois qu'elles ont fait ensemble, parce que c'est quand même pas le tout début de la paire. Mais l'année dernière, elles ont commencé à jouer ensemble, mais elles ont joué deux tournois, je crois fin 2024. Donc il y a un quart de finale perdu face à Liu Tan et de mémoire un autre face à Fukushima Matsumoto. Et début 2025, il y a cette demi-finale perdue face à Kim Kong. La semaine dernière, elles perdent contre Tantina en... J'ai pas mis dans mes notes, en quart ou au deuxième tour. Mais voilà, et il y a une finale perdue aussi face à Fukushima Matsumoto sur le premier tournoi de l'année sur le Super 1000 en Malaisie. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un début satisfaisant? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que tu t'attendais à mieux? Benoît, je m'attendais un peu à mieux quand même. Je m'attendais à ce que... tu vois, j'étais en mode, ce sera pas au niveau de l'Utah, mais elles vont quasiment gagner tous les autres matchs. Et bah non, tu prends une championne olympique qui a formé la meilleure paire de sa génération et visiblement avec Zhang ça marche pas incroyablement bien. Alors là c'est dur parce qu'elles mettent des tôles à tout le monde dont les têtes de série 1 et elles perdent en demi, mais j'attendais un peu mieux, Benoît. Je sais pas, j'imagine que si tu me poses la question c'est que tu dois être à peu près d'accord avec moi, je sais pas, mais j'attendais un peu plus de résultats et il faut leur laisser du temps, mais je pensais que ça allait cliquer un peu plus vite. Ouais, si je te pose la question c'est parce que effectivement je me la posais aussi et mon avis il est assez identique au tien. Les résultats sont pas si cata, si on juge que les résultats sur 6 tournois, tu te dis bon bah ok, il y a quand même déjà une finale en 1000, une demi en 500, enfin c'est pas si mal, mais comme toi il y a eu Jia Yifan, c'est quand même la meilleure joueuse, une des meilleures joueuses du monde sur les 5 dernières années, donc une des deux meilleures joueuses du monde sur les 5 dernières années, donc je m'attendais à mieux en fait dans le jeu parce que je les trouve assez moyennes en fait. Je vois pas de truc où je me dis ok, c'est juste un manque de rythme ensemble. Je suis pas convaincu qu'elles soient capables de faire beaucoup mieux que ce qu'elles font déjà, notamment parce que j'avais déjà cet avis sur Zhang Shushan. Je sais que la paire Zhang Zheng, on avait un avis assez tranché, et je pense quand même que c'est une joueuse un peu trop faible pour Jia Yifan. Et ouais, je suis, pour moi aujourd'hui elles sont au mieux numéro 3 chinoise. Ouais, Jia Yifan qui a pas non plus un niveau incroyable, je trouve. Alors elle, pour le coup, elle a rejoué tout de suite après les jeux, ce qui est assez rare. Mais effectivement, bon après, elle a une autre partenaire, elle a un autre rôle dans la paire, mais je trouve qu'elle a pas le meilleur niveau. Alors que je trouve que quand elle était, pour moi, c'était la meilleure joueuse du monde de double dame pendant longtemps, peut-être encore meilleure que son ancienne partenaire Chen, je trouve. Mais ouais, on passe au dernier tableau. Le double homme. Look at this, look at that. Benoît, après que Vititsarn ait posé une clim à l'Istora Senayan, Manti ont fait de même dans la foulée. Et autant Jonathan Christie a fait un bon match, autant je sais pas trop ce qu'on peut dire de celui d'Alfian Argento. Benoît, donc ils étaient tête de série 1 et s'inclinent face donc au Malaisien tête de série 7, Manetti, 21-11, 21-19. Benoît, Alfian Argento, c'est une paire qui me saoule un peu maintenant. Je les aimais bien, mais maintenant je suis bien content de pas être fan indonésien quand je les vois jouer, parce qu'ils me font un peu le même effet que Chia et So. C'est genre, ah, vous pourriez faire tellement mieux, mais eux, des fois, limite, c'est encore pire, c'est que devant leur match, tu t'ennuies, genre, ils ne proposent vraiment pas grand-chose, et je trouve qu'aujourd'hui, ça a encore été le cas face à une paire qui est normalement plus faible. Ouais, en fait, en préparant l'épisode, je pense que je partage ton avis sur plein de choses, sur Alfian Ardianto, et quand je regardais leur palmarès et j'étais là, mais en fait, l'année dernière, il y a quand même 3 finales, dont titre All England, finale à Singapour. Ils étaient son double tenant du titre de All England, tu vois. J'étais là en mode, ah, mais quand même. Alors que pourtant, quand j'allume la télé et que je les vois, je m'emmerde, très clairement. J'ai du mal à jauger quel est leur réel niveau. Et tu vois, Chiasso, on se moque et tout, mais pour moi, Chiasso, c'est plus une paire qui me fait kiffer, peu importe, quand j'allume la télé, parce que je sais que, a priori, je vais quand même passer un bon moment, mais Alfian Ardianto, franchement, non. C'est un bad, je sais pas si c'est old school, mais très très lisse, et peut-être parfois trop lisse dans cette finale où ils sont jamais rentrés. J'ai du mal à jauger parce que leur palmarès, il est quand même pas si dégueu. Il y a deux médailles mondiales aussi. Pour moi, c'est une paire jamais dominante sur le circuit mondial, mais par contre, c'est une des 3 meilleures paires mondiales, et c'est là où c'est vraiment c'est vraiment contradictoire. Et ouais, pour moi, cette finale aussi, ça résume ce que je pense d'eux, en fait. Benoît, est-ce qu'ils n'ont pas aussi surjoué pendant un moment? Parce que pendant longtemps, ils ont été une paire moyenne. Après, ils ont eu un niveau quand même assez incroyable, où ils ont été où ils ont eu leurs deux médailles mondiales. Mais maintenant, ils redeviennent un peu moyens. Ça peut être dur de dire ça alors qu'on les voit faire finale là, mais moi, ça me pose un peu question, tu vois. Là, t'as l'impression qu'ils s'endorment tout seuls. C'est que, à la fois, ils sont pas assez agressifs, et à la fois, ils savent pas défendre assez bien pour jouer comme ça. Et là, je trouve qu'ils auraient clairement dû faire mieux sur cette finale. Je sais pas si c'est le moment de les séparer, parce que, encore une fois, ils sont assez haut dans le classement. Ils sont quoi? Ils sont 4e mondiaux. Mais je sais pas. C'est pas une paire à qui je vois un grand avenir, en tout cas, dans les mois, années qui viennent. C'est compliqué, je trouve, comme débat, parce que finalement, depuis 2022, bon, les années avant, je juge pas, parce que il y avait le Covid, mais c'est une paire qui est quand même tout le temps là, globalement, même si leur année 2022 est folle, c'est l'année de la première médaille mondiale, je crois. C'est quand même pas si mal, globalement, c'est une des meilleures paires au monde, une des plus constantes, et en fait, c'est là que c'est assez paradoxal avec ce qu'on est en train de dire, je trouve. Même si, évidemment, après l'année 2022, ça s'est quand même beaucoup calmé, mais pour moi, tu vois, Oki Kobayashi, c'est un peu la même trajectoire. Totalement. Mais Alfian Ardianto font quand même beaucoup mieux. Ouais, mais Oki Kobayashi, ils ont été champions du monde, ils ont su gagner le match qu'il fallait gagner. C'est dit. Et Benoît, la surprise peut-être, c'est quand même Manti qui n'ont pas perdu un set de la semaine, alors que contrairement à d'autres tableaux, je pense que le double homme, c'était le niveau le plus relevé des 5 tableaux, je pense, de la semaine. Alors, ils n'ont pas battu d'énormes paires, aucune tête de série avant la demi. Ils ont battu les Chinois Sun Tzu, ils ont battu les frères Lee, les Taïwanais au deuxième tour, puis deux paires de compatriotes, Arif Yap en quart et Chiasso, on va y revenir, en demi, puis donc Alfian Ardianto. Mais voilà, on s'attendait peut-être pas, Benoît, à voir Manti qui sont combien, je sais même plus combien ils sont dans le classement mondial, mais c'est pas du tout les Malaisiens dont on parle le plus. Ils sont 13e, ils étaient 13e avant cette semaine. On les attendait pas rouler sur tout le monde comme ça, quand même. Non, on les attendait pas rouler sur tout le monde comme ça. Après, j'ai plus en tête leur tableau là. Je crois que ça doit être à l'Indonesia Open l'année dernière, où ils font finale et ils perdent contre Liang Wang. Je trouve franchement que c'est une paire qu'on sous-estime un peu. Alors, parce que aussi c'est pas la meilleure paire malaisienne, et que Go Izzudin sont quand même numéro 2 mondiaux et Chiasso 5. Mais franchement, c'est une paire qui a énormément progressé, je trouve, depuis qu'elle a été constituée. Là, ils vont se rapprocher du top 10 mondial. Je suis pas sûr qu'ils y rentrent. J'ai pas les chiffres en tête, mais ils vont s'en rapprocher. Ce niveau-là, il est peut-être au-dessus de leur niveau moyen. Maintenant, je trouve que c'est quand même une paire qu'on a trop largement sous-estimé. C'est intéressant. C'est, J'ai du mal, même en les voyant jouer, en les voyant gagner, j'ai du mal à les trouver incroyables. Ouais. Mais c'est peut-être que je suis peut-être un peu trop sévère parce que, comme tu le dis, les résultats, ils sont factuellement là, quoi. Donc, et tu l'as dit. Chiasso, ils les ont regardés jouer aussi. Bah ouais, c'est vrai. Ils ont gagné. C'est leur meilleur titre en carrière. Hein, ils avaient gagné 3 Super 300 déjà. Et donc, effectivement, une finale en 1000, tu l'as dit, en Indonésie également l'année dernière. Et là, ils vont donc chercher ce plus beau titre de leur carrière. Ouais, Benoît, on peut quand même en vouloir à Roncha et Sui qui font le boulot sur 3 matchs, surtout le 3e face à Kang Kim. Pas facile à gérer ce match avec 2 mecs qui jouent pas beaucoup ensemble mais qui marchent sur l'eau en ce moment. Qui match bien géré par les Malaisiens 21-19, 21-15. Pour perdre dans un match où t'as rien vraiment tenté face à des compatriotes moins forts que toi, alors que t'avais quand même une belle autoroute vers la finale, c'est nouvelle déception signée Aroncha et Sowick. Ouais, difficile de dire. J'ai même vu que ça avait un peu fait parler. J'avais voté pour eux, j'avais pronostiqué pour eux dans cette demi. Ça me semblait évident. Ça me semblait évident qu'ils allaient au bout et qu'ils gagnaient le tournoi, mais c'est un éternel recommencement avec Chiasso. Et là, pour le coup, parfois, ça tu perds contre du CO, contre un Liang Wang, contre des grosses paires, où oui, peut-être t'avais les matchs en main et tout, mais c'est quand même les top paires mondiales. Alors, en Kirill Dichetti, là, c'était quand même une début de semaine ultra bien gérée, et d'un coup, extinction des feux. Oui, tu vas prendre les points d'une demi-finale en 500, c'est génial, tu vas te maintenir dans le top 7 mondial, voilà. Très bien. Benoît, comme je l'ai dit, ce tableau était quand même assez bien rempli en termes de gros noms. Ce qu'on attendait, c'est peut-être Seo Songjae qui rejouait avec Jin, avec qui il avait joué en fin d'année dernière, mais avec qui il n'avait pas joué lors des 2 dernières semaines. Ils prennent une autre paire assez récente, Fikri Martin, ils perdent dès le premier tour 14 et 19. Et Benoît, je crois que c'est toi qui l'a dit, c'est que... Bah peut-être qu'on ne sait pas ce qui se passe en Corée, mais peut-être que cette défaite va sceller finalement le fait que Seo va jouer avec Kim, avec qui ça marchait bien, et peut-être que Jin, il n'aura pas d'autre essai que ce premier tour perdu en Indonésie. Honnêtement, c'est difficile de dire le contraire. Je pense que Kim Wano, il a été tellement bon. Ils étaient inscrits ensemble, oui, ok, parce que ça avait été décidé avant, mais je pense que la tournée de Kim Seo, je pense qu'elle a fini de fermer le débat, de clore le débat. Je suis curieux de savoir ce que t'en penses et même ce que vous en pensez, mais pour moi, les résultats ont été tellement bons, le fit a été tellement bon que ça a condamné Jin à jouer avec Kang, je pense, pour la suite. Même s'ils avaient été loin dans ce tournoi, et malheureusement, là, cette défaite au premier tour, Seo, il est rincé, ça c'est sûr. Mais je pense que ça aurait pas changé grand chose, et cette défaite au premier tour, ça vient clairement entériner le choix. Et franchement, si je me trompe, je pense que la Fédé coréenne fera une erreur. Ça paraît maintenant quand même assez probable. Dans le reste du tableau, on avait quelques surprises, notamment Gutama et Sfahani qui se sont fait sortir, qui étaient tête de série, qui se sont fait sortir dès le premier tour. Pareil pour les Chinois Wang Liu, même si eux, faudra m'expliquer comment ils sont tête de série. Et pareil pour les Taïwanais Li Yang, qui eux étaient tête de série 3 et qui ont perdu au premier tour contre eux. Arif Yap. Donc on avait, je l'ai dit, Fikri Martin. Et oui, la paire dont je voulais te parler, Benoît. Alors, on a Rankire et Dichetti qui sont passés à côté de leur sujet une nouvelle fois en perdant 22-20, 23-21 contre Kedren Pobaranukro, les Thaïlandais. Je l'ai dit sur le Discord, je crois, 5 volants de 7 pour Rankire et Dichetti sur les 2-7. Hein. Dans tout le match, ils ont eu 5 volants de 7, ils n'en ont converti aucun. Les Thaïlandais ont eu une occasion dans le premier, une occasion dans le deuxième, ils les ont convertis. Voilà, des tueurs à sang-froid contre des Indiens qui déçoivent encore. Kedren Pobaranukro qui perdront finalement en demi contre Alfian Ardianto. Benoît, je vais commencer cette fois et après tu me diras ce que tu en penses. Alors je vais même pas revenir sur Rankire Dichetti qui était clairement meilleur dans ce match, mais à qui il faut se greffer un mental de toute urgence parce que sinon ils vont redevenir moyens alors qu'ils sont clairement à niveau au-dessus, je trouve. Bah oui. Et Kedren Pobaranukro, c'est vraiment pas mal, mais j'ai vu leur match contre Alfian Ardianto et si Kedren il apprend pas à défendre Fissa, va falloir le mettre à l'entraînement avec des mecs qui lui balancent des smash, parce que je trouve qu'il a une grosse faiblesse dans ce domaine-là. Et il est globalement, sans surprise, le mec le plus faible de sa paire. Mais je trouve que si Kedren progresse pas, ça va être compliqué de s'installer dans le top 5 durablement. Totalement partagé. Et pour moi, là, c'est mis en lumière aussi parce qu'il joue avec un mec qui est peut-être, avec CO, un des rares mecs capables d'être top 3 mondial sur deux tableaux. On était plus clément, on en parlait moins parce qu'ils jouaient avec Jomko, ils étaient top 15 mondiaux, mais on était là, ouais, bon voilà, ils sont à leur place et on n'en attend pas mieux. Aujourd'hui, Kedren, on l'a remis avec son partenaire de jeunesse, avec qui il avait été médaillé chez les juniors. Mais sauf que son partenaire, c'est devenu un des meilleurs joueurs de la planète. Donc aujourd'hui, Kedren, on n'entend plus la même chose. Et tout comme toi, s'il progresse pas très très vite, je pense qu'on sera très peu patient. Et surtout, là, il y a l'effet, entre guillemets, surprise. Ça passe face à des paires qui peut-être sont meilleures, notamment en Kirilichetti, tu l'as dit. Mais ils vont très vite se régler aussi face à Kedren Povaranukro. Et s'il progresse pas... ça suffira pas, et je pense que Kedren Povaranukro, on n'attend pas qu'il soit 12 ou 13e mondiaux. La chance qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas de joueur exceptionnel en doublement en Thaïlande pour le remplacer. Mais surtout Benoît. On le mettra sur un tableau. C'est vrai, mais Benoît, là où ça la fout mal, bon après, il n'a pas de chance parce qu'il est avec un joueur exceptionnel, Povaranukro, on ne va pas revenir, mais oui. Quand tu les vois jouer là, tu te dis, attends, mais c'est lequel qui jouait en doublement depuis des années et lequel qui n'a pas joué en doublement depuis des années? Franchement, des gens qui ne connaissent pas la paire, je les mets au défi de deviner celui qui n'a pas joué en doublement depuis des années. Hein. Franchement, c'est un peu dur, et je trouve que, pour le coup, j'ai pas mal critiqué Alfian Argento, mais ils ont parfaitement mis en lumière les faiblesses de Kedren, et ils ont bourriné sur lui en demi, et ça a fini par... Ça a fini par passer, donc je suis très content de revoir Povaranukro à ce niveau-là en demi. Malheureusement, en demi justement, mais va falloir que son partenaire se mette un peu au niveau s'ils veulent viser plus haut. Ouais. Voilà, Benoît, on a fait le tour du double homme. Il ne reste donc qu'une seule paire dont je veux parler, que tu l'auras remarqué. J'ai soigneusement gardé pour la fin. Il s'agit des Indonésiens, Mohamed Hassan et Endra Setiawan, qui ont perdu au deuxième tour contre Arif Yap après avoir battu Chang Wu. Mais c'est pas ça le plus important, Benoît. Le plus important, c'est qu'ils avaient annoncé déjà fin 2024 que ce tournoi à domicile serait leur dernier. Et bah, on est forcément, Benoît, ému de voir cette paire, une des meilleures de l'histoire de ce tableau, avec peut-être Setiawan, peut-être le meilleur de l'histoire de ce tableau, nous quitter et partir à la retraite. Benoît, ils ont été exceptionnels par leur niveau, ils ont été exceptionnels par leur longévité aussi, puisque pour rappel, Setiawan a 40 ans. Tandis que Mohamed Hassan en a 37, donc ils ont vraiment poussé au bout du bout du bout du bout. Ils ont même encore quelques années où ils étaient quand même déjà beaucoup plus âgés que leurs adversaires. Ils ont quand même été performants. Donc voilà, Benoît, on en reparlera dans un autre épisode. On va pas faire ça maintenant. Bien sûr. Je trouve que ça a été très bien géré. Ils étaient eux-mêmes très émus, alors que c'est pas des mecs qui montrent beaucoup leur sentiments d'habitude. Il y a eu avant le jour des finales, il y a eu un match de gala où ils ont joué contre, s'il vous plaît quand même, Seo Sungje et Kevin Sukamulio dans un match d'exhibition pour régaler tout le monde. Donc c'était très cool, et ça fait, même si là on les voyait plus depuis quelques semaines / mois, on les voyait plus beaucoup, ça fait quelque chose de les voir arrêter leur carrière, ces deux légendes avec qui toi et moi on a grandi, hein, donc c'est ça qui fait bizarre aussi. Oui, c'est clair, c'est deux mecs avec qui on a grandi. On pourra pas dissocier aussi l'ancien partenaire d'Indra Setiawan le jour où on fera un épisode, c'est évident. Mais ouais, c'est deux légendes de ce sport, et c'est pas que du double homme, hein, c'est deux légendes de ce sport. Peut-être nous on se rend pas compte en Europe et tout, parce que voilà, le badminton c'est pas un truc de fou, mais en Indonésie, ces deux mecs là sont des héros nationaux. Faut bien se rendre compte de ce qu'ils sont. Je pense qu'on, tu l'as dit, mais on en fera un épisode dédié très clairement. Et ouais, c'est dur en fait de les voir partir là, c'est plus dur que d'autres paires, parce que effectivement ils sont là depuis 15 piges. Ouais, si, même 20 piges pour Indra Setiawan. Plus que ça, ouais. Ouais, C'est vraiment, nous, à nos âges, c'est deux mecs avec qui, pour le coup, on a grandi depuis qu'on regarde le bat jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres pairs qu'on a vus pendant 5-10 ans qui nous ont fait kiffer, des joueurs qui nous ont fait kiffer et tout. Eux, ils sont là depuis le début. C'est sans doute les derniers qui sont là depuis le début, très clairement. Ouais, c'était un moment émouvant, même si au jeu, déjà, pour moi, ça avait été un premier adieu et peut-être le plus dur. Là, c'était un adieu devant leur famille, devant leurs amis. Ouais, c'était franchement un moment, ouais, pas difficile, mais un beau moment. Voilà, pour rappel, pour dire un peu leur longévité, Setiawan, oui. Il jouait d'abord avec Kido, mais il a été quand même champion du monde en 2007, champion olympique en 2008. Ça vous dit un peu le niveau de ces mecs-là. Setiawan, il a 6 médailles mondiales, dont 4 en or. Pour Hassan, c'est également 6 médailles mondiales, dont 3 en or. Donc voilà, on en reparlera. Mais c'était le dernier tournoi de Hassan et Setiawan à domicile, devant leur famille et tout. Et ça fait forcément quelque chose de les voir arrêter. Voilà. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette Indonesia Masters en général ? Écoute, non, je trouve que c'était une belle fin. C'est clair. Alors, la tournée continue. Il me semble qu'il y a un tournoi en Thaïlande la semaine prochaine. Mais ouais, Benoît est pas dispo. Non, en vrai, il y aura pas grand chose à en dire, donc on va pas faire d'épisode dédié. En plus, il y a les championnats de France. Mais si jamais il se passe un truc de fou, vous en entendrez parler à un moment dans 21 Shuttle. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi, et je te retrouve la semaine prochaine. Merci à toi comme toujours, et merci à vous pour votre écoute. Donc je l'ai dit, la semaine prochaine on va retourner dans l'Hexagone pour débriefer les championnats de France. Vous connaissez maintenant, c'est nos championnats de France New Look. On va pas refaire le débat avec des tableaux assez resserrés, ce qui ferait que avant les quarts, on va pas se mentir, avant les demi, il va pas se passer grand chose. Mais à partir de là, il y a quelques tableaux où j'ai hâte de voir tout le monde se régler, notamment le double dames, ça peut être marrant, le simple homme évidemment. Donc on débriefe ça lundi prochain. Merci de nous écouter. À la prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。向成功的尽头，我们能。